L'archange Michel, le protecteur divin. Découvrez la puissance et la protection de l'archange le plus vénéré. Qui est l'archange Michel? L'archange Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », en hébreu, est l'un des archanges les plus puissants et les plus vénérés dans diverses traditions spirituelles. Connu comme le chef des armées célestes, Michel est souvent représenté comme un guerrier angélique, portant une épée flamboyante et terrassant le dragon, est symbole des forces du mal. Dans la hiérarchie angélique, Michel occupe une place prépondérante. Il est considéré comme le protecteur par excellence, le défenseur de la justice divine et le guide des âmes. Sa présence est invoquée pour la protection, le courage et la force face à l'adversité. Les rôles et attributs de l'archange Michel, protecteur divin. Michel est le gardien contre les forces négatives, offrant une protection spirituelle et physique à ceux qui l'invoquent. Guerrier de la lumière, il combat les ténèbres et aide à dissiper la peur, le doute et les énergies négatives. Guide des âmes. Michel aide les âmes à traverser vers l'au-delà, assurant leur passage en toute sécurité. Porteur de courage et de force, il insuffle la bravoure et la détermination dans les moments difficiles. Défenseur de la justice. Michel est associé à la vérité, l'intégrité et la justice divine. Comment invoquer l'archange Michel? L'invocation de l'archange Michel peut se faire à travers la prière, la méditation ou simplement en pensant à lui avec sincérité. Voici une simple prière que vous pouvez utiliser. Archange Michel, je fais appel à votre protection divine. Entourez-moi de votre lumière et de votre amour. Éloignez de moi toute négativité et tout danger. Donnez-moi la force et le courage d'affronter mes défis. Je vous remercie pour votre présence bienveillante et votre guidance. Amen. Rappelez-vous que l'intention et la sincérité de votre cœur sont plus importantes que les mots exacts utilisés. Signe de la présence de l'archange Michel. Certains signes peuvent indiquer la présence ou l'intervention de l'archange Michel dans votre vie. Une sensation de chaleur ou de picotement, particulièrement autour des épaules, où les ailes seraient. Une odeur de métal ou un goût métallique inattendu, en référence à son épée. La vue de plumes bleues ou violettes. Un sentiment soudain de protection ou de courage. Des rêves vivides impliquant des anges ou des scènes de protection. Les manifestations célestes de l'archange Michel. L'archange Michel est souvent perçu dans des manifestations célestes à travers l'histoire. Des visions de Michel apparaissant comme une figure rayonnante de lumière, souvent accompagnée de sons célestes ou de musique, ont été rapportées par de nombreux mystiques et saints. Ces apparitions sont considérées comme des signes de son soutien et de sa protection en des moments de crise ou de transformation. L'archange Michel dans les textes sacrés. Dans la Bible, Michel est mentionné dans plusieurs passages clés. Livre de Daniel, Michel est décrit comme le grand prince et le défenseur du peuple d'Israël. Épître de Jude, Michel est représenté en train de contester avec le diable au sujet du corps de Moïse. Apocalypse, Michel mène les armées célestes contre les forces du mal dans la bataille finale. Michel dans les autres traditions religieuses. Islam. Connu sous le nom de Michaël, il est l'un des quatre archanges majeurs. Il est souvent associé à la miséricorde et à la nature. Judaïsme. Michel est considéré comme le défenseur d'Israël et le prince des anges. Christianisme. Vénéré comme un saint dans l'Église catholique et orthodoxe, Michel est invoqué pour la protection et la guerre spirituelle. Les sanctuaires dédiés à l'archange Michel. De nombreux sanctuaires et églises sont dédiés à l'archange Michel à travers le monde. Le Mont Saint-Michel en France et la Sacra di San Michele en Italie sont parmi les plus célèbres. Ces lieux de pèlerinage attirent des millions de visiteurs chaque année, venus chercher la protection et la bénédiction de l'archange Michel. Conclusion. L'archange Michel, dans sa grandeur et sa compassion, est toujours prêt à offrir sa protection et son soutien à ceux qui le sollicitent. En cultivant une connexion avec cet être céleste puissant, nous pouvons trouver la force, le courage et la guidance nécessaires pour naviguer dans les défis de la vie. N'oubliez pas que la clé d'une relation significative avec l'archange Michel, comme avec toute entité spirituelle, réside dans la sincérité de votre cœur et la pureté de vos intentions. Si vous désirez tout connaître sur l'archange Gabriel, je vous invite à écouter ou lire notre prochain article, Gabriel, le messager de Dieu. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà ressenti la présence de l'archange Michel dans votre vie? Nous aimerions entendre votre histoire. Partagez votre expérience ci-dessous en laissant un commentaire. Merci et à très bientôt pour la suite de notre série « 7 secrets fascinants sur les archanges ».